restauration par an pour les toitures. Et puis, c'est ce qui va conditionner tout le reste, en fait. À partir du moment où la toiture n'est plus étanche, n'assure plus son rôle premier, c'est toute la suite de la maison sous-jacente qui peut subir des dommages. On surveille aussi tous les enduits, les pièces de charpente. C'est vraiment un diagnostic complet qu'on réalise avec des experts chaque année pour justement prioriser aussi les interventions à programmer. C'est ça, vous avez déjà eu des alertes particulièrement inquiétantes où vraiment le suivi est tellement régulier, tellement précis qu'au moindre souci vous intervenez? Alors, heureusement, ça n'a pas été le cas jusqu'à présent, mais on a parce que bon, c'est aussi des choses qui arrivent progressivement. Donc, à part les tempêtes qui ont pu arriver, notamment l'année dernière, où là, on est vraiment sur des dommages très ponctuels. C'est des choses qui évoluent assez lentement, mais qui demandent quand même pour certaines, une vigilance et des interventions assez rapides. Voilà, dans l'année qui vient, on sait qu'il y a des choses qu'on doit programmer. Cet été, l'été dernier, on a eu des étés particulièrement chauds, particulièrement secs. Là, on a la pluie qui arrive, le froid qui finalement arrive en deux jours. C'est des maisons qui sont certes étudiées, conçues à la base pour affronter des conditions climatiques particulières. Est-ce que là, vraiment, ça les impacte, ces maisons-là, dans leur solidité, quelque part? Alors oui, c'est le cas notamment des toitures en tavaillon, des étés qui sont particulièrement secs, avec ponctuellement des grosses averses et entre autres des averses de grêle. Ça fragilise la structure même de ces tuiles en bois que sont les tavaillons. Donc là, on peut avoir vraiment des dégâts qui sont très rapides. Il y a aussi par exemple les murs en torchis de certaines maisons qui là aussi, quand le temps est très très sec pendant une période assez longue, le torchis va vraiment se rétracter. On a déjà eu des années où en fait des panneaux entiers de torchis tombaient d'un seul coup parce que plus assez d'humidité pour retenir finalement l'ensemble de la structure. L'entretien au quotidien, il passe aussi par tout ce qui est peinture, l'azur, ça aussi ça permet de préserver forcément tous les bois notamment de ces maisons. Alors effectivement, donc nous on n'est pas forcément sur de la l'azur, mais on est sur des traitements, on va dire, qui correspond un peu plus à ce que les habitants de ces maisons pouvaient faire, en tout cas. Donc des traitements, par exemple, avec de l'huile de lin, ce genre de choses. Et donc on a une série d'interventions en fait qui sont programmées annuellement. C'est le cas aussi pour les petites bêtes qui viennent s'installer dans les pièces de bois, qui nous causent aussi beaucoup de problèmes ces dernières années. Donc les attaques d'insectes xylophages, oui, comme on les appelle, contre lesquels on essaye de lutter. C'est un peu en vain parfois. Ouais. Qu'on se rende compte, il y a combien de personnes qui sont à l'année chargées de s'occuper comme ça du musée? Alors, le service de conservation du musée est composé de deux personnes, donc je représente 50% de ce service. Et une autre de mes collègues qui, elle, justement, fait un suivi hebdomadaire. En fait, toutes les semaines, elle passe dans chacune des maisons pour s'assurer de leur état, des éventuelles dégradations, aussi également sur ce qui peut arriver sur les objets. Et puis, on a une équipe technique qui ne s'occupe pas que des maisons, qui assure aussi l'entretien des espaces verts, l'entretien de tous les locaux, les réparations qui sont parfois nécessaires. Et il y a effectivement un planning en fait de missions spécialement dédiées à l'entretien des maisons. On va prendre un exemple justement dans les prochaines minutes avec la restauration du four banal de l'Isine qui va être entreprise dans les prochaines semaines. Une restauration à laquelle on peut participer au travers d'un financement participatif. On va tout vous expliquer juste après. Alphaville et Forever Young sur France Bleu Besançon. Très bel après-midi en Franche-Comté. Drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the Alphaville, Forever Young sur France Bleu Besançon. Merci à Élise, Alexandre et Abdella qui nous ont appelé au 0380 833 111 pour nous prévenir que ça y est, c'est bon. Le tunnel des Mercureaux était rouvert. Vous êtes nos yeux sur la route sur France Bleu Besançon. Le 16-19 France Bleu Besançon, Arnaud Fromage. On entre dans les coulisses du musée des Maisons Comtoises cet après-midi à Nancré avec Florence Coutier, directrice scientifique et culturelle, conservatrice du patrimoine du musée, pour tenter finalement de comprendre ce qu'on ne voit jamais, c'est-à-dire les techniques de conservation, d'autant plus qu'il s'agit au musée des Maisons Comtoises de bâtiments entiers et de ce qu'ils contiennent. On va y revenir parce que rien n'est plus parlant qu'un exemple. On va prendre celui du four banal de Lizine qui va bénéficier d'une restauration prochaine. C'est quoi déjà un four banal ? Alors, un four banal, en fait, c'est un four qui a été construit par le seigneur local, donc en l'occurrence le seigneur de Montfort, et qui était à usage obligatoire de tous. Donc les habitants, en fait, n'avaient interdiction d'avoir leur propre four à pain et avaient obligation d'aller au fournil, donc au four banal. De la même manière que pour le moulin, par exemple, pour aller moudre son grain et faire de la farine. Et en plus d'avoir l'obligation d'aller utiliser ses services, il devait payer. Et oui. Voilà. Et la taxe, en fait, l'impôt associé à cela s'appelle un ban ou banalité, d'où le terme de four banal. Alors attendez, parce que là, vous me parlez de seigneur, vous me parlez de four à pain. Il est très très ancien, ce four banal de Lizine. Et oui, c'est le plus ancien édifice du musée, puisqu'il date de 1660. D'accord. Effectivement, donc c'est déjà cette maison est vraiment une honorable vieille dame. Il vient donc de Lizine. Pourquoi est-ce que c'est celui-ci particulièrement qui a été choisi ? Il a été acheté, hein, c'est ça, par le musée à l'époque ? Alors, celui-là, oui, effectivement, ça a été un achat. Après, comme tous les édifices finalement du musée, c'est aussi des affaires d'opportunité, hein, puisque l'abbé a sillonné la Franche-Comté et il n'avait pas, en fait, il ne souhaitait pas prendre des bâtiments qui étaient encore utilisés par leurs occupants. Donc, c'était à chaque fois des édifices qui étaient souvent à l'abandon, voire pour certains en partie effondrés, et qu'il avait la possibilité soit d'acheter, soit des propositions de dons. Hein. Beaucoup d'édifices ont été donnés, achetés pour être donnés au musée, pour certains même. Et dans le cas du four banal de Lizine, il est même revenu à la vie, puisque finalement, il sert aujourd'hui ce four banal. Oui, le four est toujours en fonctionnement, donc il est utilisé, alors pas tous les jours, mais presque, par les animateurs du musée qui sont formés spécialement pour l'entretenir et l'utiliser, et puis ponctuellement par des boulangers professionnels qui viennent du coup le remettre aussi en activité et faire cuire leur pain à l'intérieur. Alors qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui à notre four banal de Lizine ? Qu'est-ce qu'il doit subir comme opération ? Alors notre four banal, là encore c'est une question de toiture, hein, puisque c'est donc il provient donc du village de Lizine, dans le secteur, la vallée du Loup du Lison. Et comme beaucoup d'édifices sur ce secteur, a été construit entièrement en pierre, puisque la pierre calcaire est très abondante. Et donc on a une toiture qui est construite en pierre, donc en l'occurrence des laves, qui sont posées horizontalement, rangées les unes après les autres, sur une lourde charpente, hein, qui doit supporter l'intégralité. Oui, parce que c'est du toit en pierre. Hein. C'est du toit en pierre, effectivement. Et donc l'eau s'infiltrant parfois progressivement en fonction du sens du vent, etc., fini par atteindre la charpente qui, du fait de l'entrée de l'humidité et du poids de la toiture, de la couverture, aujourd'hui est très très fragilisée et donc doit subir une restauration, donc c'est-à-dire une dépose complète des laves, le changement des pièces de charpente qui le nécessitent, et ensuite une repose des laves avec un changement aussi de certaines de ces tuiles, puisque certaines sont aussi endommagées. Donc ça va être le travail d'un artisan lavier, puisque c'est son nom. Et un artisan de Franche-Comté d'ailleurs, hein, parce que vous ne travaillez quasiment qu'avec des artisans. Alors, de Franche-Comté. Bourgogne-Franche-Comté, puisque là on va travailler avec l'entreprise Ori Marseille, donc qui est basée dans le secteur de Dijon, puisque aujourd'hui c'est encore. Les artisans laviers, ça ne doit pas courir les rues. Non, effectivement, on a déjà eu beaucoup de mal justement à en trouver, et pour des chantiers justement qui sont aussi toujours un peu particuliers. Et donc il n'y a plus beaucoup d'artisans qui ont ce savoir-faire. Donc là, on a la chance d'avoir cette entreprise entreprise avec nous pour cette restauration. On va revenir justement sur la façon dont on peut vous aider pour aider à la restauration finalement de ce four banal de l'usine au musée des maisons comtoises. On continue notre discussion dans un instant, mais avant on vous offre un beau cadeau et puis on fait un détour par la route. Mardi 24 octobre à Besançon, concert hommage à Michael Jackson avec France Bleu. Ben Jackson vous propose un show dance inédit sur les chansons originales de Michael Jackson. Une véritable célébration des 40 ans de Thriller, l'album mythique. Dance Jackson, mardi 24 octobre 20h au Cursal à Besançon. Écoutez France Bleu et gagnez vos places. Mettons un coup de projecteur sur les pros avec Cerise de Groupama. Mais Jacques, vous ne pouvez pas continuer à travailler avec des béquilles, voyons. Si je m'arrête, Cerise, je n'ai plus de revenus. Et si je ferme, ici, il n'y aura plus de commerce. Avec les solutions de prévoyance Groupama Pro, nous pouvons assurer jusqu'à 100% de votre revenu en cas d'arrêt de travail. Ah, oh, mais c'est très bien, ça. Les très petites entreprises font de très grandes choses. Et chez Groupama, nous sommes là pour les soutenir. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupamapro.fr. Savez-vous qu'il est possible de désigner le Secours Populaire Français comme bénéficiaire de votre assurance vie ? Oui, et j'ai souscrit une assurance vie en faveur du Secours Populaire. Je leur fais confiance pour agir concrètement pour un monde plus juste et plus solidaire auprès des personnes qui en ont le plus besoin près de chez moi, en France et dans le monde. Demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Besançon, ici, on parle d'ici. Bonne nouvelle, la voie des Mercureaux est à nouveau ouverte à la circulation, mais comme ça fait pas très longtemps, eh bien, ça ralentit pas mal sur la rue de Lyon pour accéder au rond-point de Beurre à Besançon. Vous perdez une bonne dizaine de minutes à cet endroit-là. Ça ralentit également dans le secteur de Micropolis sur la rocade de Besançon. La descente de la côte de l'Arnaud, on avait un bon ralentissement tout à l'heure, ça a l'air de circuler un petit peu mieux, et puis le trafic commence à se densifier pour accéder au pont de Brugy, la sortie de Besançon par la rue de Vesoul, là aussi ça commence à coincer. On est sur 6 à 7 minutes de ralentissement à Vesoul, pour l'instant ça a l'air d'être fluide, et puis à Pontarlier, le retour des frontaliers à la hauteur de la Clusée Mijou, le bouchon fait actuellement 5 minutes, et ça ralentit aussi lorsque vous arrivez de Verrières de Joux, 0380 833 111 pour toutes vos infos routes. L'infotrafic 100% local avec Riem Boisson, limonade mortuassienne et sirop artisanal depuis 100 ans en Franche-Comté. 16h31. Le 16-19 France Bleu Besançon, Arnaud Fromage. C'est la première partie du 16-19. Nous sommes avec Florence Coutier, directrice scientifique et culturelle, conservatrice du patrimoine au musée des maisons comtoises de Nancré. On évoque eh bien, ce travail de l'ombre, celui de la sauvegarde du patrimoine du musée, avec notamment la restauration de la toiture du four banal. Four banal qui va peut-être vous permettre de remporter deux entrées pour aller assister à cette fameuse soirée, la soirée Dance Jackson, avec les meilleurs titres de Michael Jackson, pris par un super danseur, Ben Jackson. Ce sera sur la scène du Cursal de Besançon mardi prochain à 20h pour tenter de remporter vos deux places et accéder à cette soirée pour revivre les meilleurs tubes de Thriller. Eh bien, il faut répondre à cette question. Le four banal du musée des maisons comtoises va entrer en restauration. Une souscription est d'ailleurs mise en place avec la Fondation du patrimoine. Oui, mais d'où vient-il originellement ce four banal ? Est-ce qu'il vient de l'usine ou est-ce qu'il vient de Mamirol ? D'après vous, 0380 833 111, vous nous appelez, vous avez la bonne réponse, et bah hop, les deux entrées pour aller assister à la soirée Dance Jackson du Cursal mardi prochain à Besançon, elles seront pour vous. D'où vient originellement le four banal du musée des maisons comtoises de Nancré ? Est-ce qu'il vient de l'usine ou de Mamirol ? Je vous attends après Yannick Noah. Voici Angela sur France Bleu Besançon. Un ange proteste, les écrous sont rouillés. I'm black and I'm proud, le souffle des ghettos, les gants noirs se lèvent. Un soir à Mexico, le rêve martyrisé de Martin Luther King. Une enfant nue brûlée, Bobby qu'on assassine. Panthère noire traquée, le son d'intolérance. Cette femme est coupable, coupable d'espérance. Oh Angela, Angela. Échange de peau. Si le monde s'incline et nous parle de chance, ce soir Angela, c'est à toi que je pense. Oh Angela. Angela sur France Bleu Besançon. Il y a un instant, je vous ai proposé de remporter vos entrées pour assister à une soirée 100% Michael Jackson avec pas le vrai. Il n'était pas dispo. Mais par contre, on a Ben Jackson qui va venir sur la scène du Kursaal. Ce sera à Besançon mardi prochain, 20h. Spécialiste de la danse, il reprend toutes les chorégraphies, notamment de Thriller. Et ce sera donc à vivre sur scène. Il fallait répondre à cette question. On parle du four banal du musée des maisons comtoises de Nancré qui va rentrer prochainement en restauration. Mais d'où vient-il originellement? De quelle commune vient-il à la base, ce four banal? Est-ce qu'il vient de Lizine ou de Mamirol? Bonjour Gwenaëlle. Bonjour. J'hésite encore entre le bonjour et le bonsoir à cette heure-ci. D'après vous, il vient d'où notre musée, notre four banal? De Lizine. Vous êtes sûr? Oui. Eh bien, vous avez bien raison d'être sûr. Effectivement, il vient bien de Lizine. Un souvenir peut-être du musée des maisons comtoises? Vous avez eu l'occasion de le visiter, vous? Oui, l'année dernière, pour Halloween avec les enfants. Ah, eh ben c'est parfait parce que ça revient, les vacances ensorcelantes. Oui. Oui. Comptez y retourner? Peut-être. Ah, ça pourrait être. En fonction de la météo. Non, mais, la météo sera de notre côté. il fera beau. Il fera beau. En tout cas, la soirée Michael Jackson, elle est pour vous. Super. Voilà, deux entrées pour aller voir donc Ben Jackson au Kursaal de Besançon la semaine prochaine. Merci beaucoup Gwenaëlle, bonne fin de journée. Merci. À très bientôt. Au revoir. Et nous on continue à vous raconter ce travail, celui de la préservation du patrimoine des bâtiments, mais aussi des objets du musée des maisons comtoises à Nancré. Ce sera juste après Adèle, Someone Like You sur France Bleu. You found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Light. I hate to invited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Since day our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. L'incroyable voix d'Adèle avec Someone Like You sur France Bleu Besançon dans la première partie du 16-19. Poursuivre l'engagement de l'abbé Garneret, véritable figure du patrimoine de Franche-Comté, fondateur du musée des maisons comtoises à Nancré. C'est la mission de notre invitée Florence Coutier, directrice scientifique et culturelle, conservatrice du patrimoine à Nancré au musée des maisons comtoises. On a évoqué ce four banal de l'usine qui va entrer en travail. On peut donner un coup de main, on peut aider le musée à financer ses travaux, notamment grâce à la Fondation du patrimoine. Oui, parce qu'on a eu la chance on a répondu à un appel à projet et le musée a été retenu, donc un appel à projet porté par la Fondation du patrimoine et Airbnb. Et donc on a eu la chance de recevoir un prix de 30 000 euros, ce qui est déjà beaucoup pour cette restauration, dont le coût total est, on est autour des 70 000 euros, hein, pour donner un ordre d'idée. Et la Fondation du patrimoine nous accompagne également pour une campagne de financement participatif. Donc on peut répondre, chacun peut, à hauteur de ses moyens, contribuer à la restauration de ce bâtiment via la Fondation du patrimoine. On vous mettra le lien évidemment sur notre site francebleu.fr Besançon, vous pourrez retrouver le lien. En plus, il y a vraiment toute l'histoire du Fourbanel qui est détaillée sur la page, c'est très intéressant. Il y a les maisons, il y a ce qu'elles représentent, il y a leur valeur patrimoniale au Musée des Maisons Comtoises de Nancré, mais il y a aussi des milliers d'objets, 22 000 objets qui sont... Un peu plus de 23 000 maintenant. Ah. Mes chiffres datent. Oui, c'est ça. Des objets qui ont forcément plusieurs siècles pour certains. Là aussi, il faut en prendre soin. Comment est-ce que vous faites ? Alors là aussi, comme pour les maisons, hein, c'est des soins qui sont, alors peut-être pas quotidiens, mais presque, hein, pour certains, puisqu'il y a un suivi très régulier justement de leur état. Et on fait de notre mieux en tout cas pour assurer leur maintien pour les générations futures, hein, puisque c'est vraiment le cœur de notre métier en conservation du patrimoine. Et s'agissant d'objets qui sont exposés dans les maisons, par exemple, pour les plus fragiles, dès que le musée ferme ses portes, donc là, à la fin des vacances d'automne, certains vont être sortis des maisons et puis rangés précieusement pour être remis en réserve le temps de passer la mauvaise saison bien au chaud et bien protégés. Le grand déménagement du musée des Maisons Comtoises chaque année. Voilà. Alors heureusement, on ne fait pas ça avec le mobilier. Hein, donc on n'a pas une équipe de déménageurs chaque année qui vient porter les armoires et les horloges comtoises. Mais c'est un peu l'idée, effectivement. Dès que le musée ferme, on range les objets et on les ressort pour la réouverture de la saison en avril. L'hiver, qu'est-ce qui se passe au musée des Maisons Comtoises ? Alors, c'est une question qu'on nous pose très très souvent. Et ben, je me permets de la poser. Et donc on est le musée, même quand il n'accueille pas de public, finalement on est une équipe très occupée, puisque justement on profite de l'absence du public pour faire toutes les petites interventions, les petits travaux qu'on fait pas forcément pendant que le public est parmi nous. On prépare également la saison suivante, puisque il y a toute la programmation culturelle, le renouvellement des animations, des ateliers qui a lieu aussi pendant cette période, puisque le reste du temps, d'avril à novembre, on est ouvert 7 jours sur 7. Donc on est entièrement dévoué, si je puis dire, à nos visiteurs. Et donc pendant la période hivernale, passer la phase de rangement, de bilan de saison, on prépare les saisons suivantes. Et avant la fermeture du musée, après les vacances scolaires, il y a les vacances ensorcelantes qui démarrent donc à partir de ce samedi. Hein, on va vous expliquer tout ce qui va se passer, tous les rendez-vous à ne pas manquer au musée des Maisons Comtoises de Nancré. Profitez-en, ce sont les derniers jours pour en profiter avant la fermeture. On vous dit tout dans la suite du 16-19, à tout de suite. France Bleu Besançon, 100% sport et partenaire. Du foot avec le Racing Besançon et le FC Sochaux Montbéliard. Du handball avec le SBF et le GBDH. Du basket avec le Besac Basket. Et rugby avec le CA Pontarlier Rugby. Suivez toute l'actualité des clubs franc-comtois et gagnez vos invitations pour tous leurs matchs à domicile en écoutant France Bleu Besançon et à tout moment sur francebleu.fr Besançon. Et à la demande générale de Florence Coutier, sachez que le GBDH recevra Tremblay. Ce sera ce vendredi à 20h30 au Palais des Sports de Besançon. Du 20 au 22 octobre, c'est le Salon de l'Habitat à Micropolis. Divers exposants seront réunis pour vous conseiller en immobilier, rénovation, agencement ou encore en ameublement. Tentez de remporter 3000 euros offerts par le Crédit Agricole de Franche-Comté, Square Habitat et Micropolis et des cadeaux de Boulanger Besançon. Téléchargez votre entrée gratuite sur salon-habitat.com. Le 16-19 France Bleu Besançon, Arnaud Fromage. Nous sommes avec Florence Coutier, directrice scientifique et culturelle, conservatrice du patrimoine au Musée des Maisons Comtoises de Nancré. On vous a raconté un petit peu tout ce qui va se passer cet hiver quand le musée va fermer ses portes avec la préparation de la saison prochaine. Une saison qui va se terminer donc pour 2023 avec ses vacances ensorcelantes à partir de samedi jusqu'au 5 novembre. Plein de surprises sur le thème de la sorcellerie. Je ne sais même pas par quoi commencer. Vous préférez commencer par quoi ? Pour moi aussi, c'est compliqué de savoir par quoi commencer, puisqu'on pour a vraiment, jeunes, peut-être, on a pour un programme voilà, qui est vraiment très complet pour tous les goûts, pour tous les âges, et pour entre autres pour les enfants, hein, des contes, des spectacles, des manèges écologiques à propulsion parentale. D'accord, voilà, ça veut dire quoi ça? Alors, c'est-à-dire qu'on met les parents, on met les parents à contribution, et ce sera à eux de s'armer de leurs muscles pour actionner, mettre en action ces différents manèges qui seront proposés, notamment les trois dimanches des vacances, et puis tous les jours, du lundi au dimanche, on aura des animations sur le thème des sorcières, donc des dégustations, des ateliers créatifs, des visites ensorcelantes, un programme vraiment très complet tous les jours pour nous accompagner jusqu'à la fermeture le 5 novembre au soir, qui est avec un programme donc de vacances qui se termine par un spectacle de feu. C'est ça, il va y avoir le grand spectacle de feu à la fin pour clôturer cette saison, et puis un spectacle évidemment à ne pas manquer. Focus quand même sur les mercredis, les samedis, parce que là il y aura des invités particuliers. On va notamment s'intéresser aux contes, aux légendes, aux lectures. Vraiment, on va se plonger dans ce monde des sorcières. Oui, voilà, les mercredis et les dimanches, effectivement, on a une programmation qui est encore plus plus développée que les autres jours, avec des différentes compagnies qui viennent nous proposer leur spectacle. Donc par exemple le théâtre de la Petite Montagne pour des contes et légendes, la compagnie Artus Spectacle pour un spectacle intitulé L'Antre de la du dragonologue. Voilà. Ça j'adore. J'aurais adoré faire ça dans la vie. Je suis sûre que c'est un métier d'avenir. Et donc des lectures et des manèges, effectivement, comme on l'a dit. Et puis pour les plus grands, programme également culinaire avec le restaurant du musée qui se mobilise avec un menu spécial sorcière. Oui, effectivement, avec associé à Lucie Saint-Voirin, donc un menu spécial tous les jours au musée, au restaurant du musée, pardon, avec un menu ensorcelant spécialement concocté pour l'occasion. J'aimerais qu'on fasse un focus sur le spectacle de clôture, hein, les flammes éphémères, avec une compagnie bretonne qui vient nous rendre visite. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre pour cette soirée-là? Vous allez me dire rien, on ouvre les yeux et on profite. Oui, exactement. Alors pour nous, c'est en plus un peu particulier, puisque là, en cette fin d'année 2023, le musée fête ses 40 ans, oui. Ses 40 ans d'existence, puisqu'il a ouvert au public en 88, mais il a été fondé officiellement en 83. Donc c'est d'autant plus important pour nous de clôturer cette saison avec un spectacle un peu particulier, donc de la compagnie Tan Eleil, qui du coup a profité de la nuit. La nuit tombante au musée le 5 novembre pour nous faire profiter de ces lumières à 17h30. Voilà, des contes, de la gastronomie, des spectacles de feu et de flammes pour terminer cette belle saison au musée des Maisons Comtoises du 21 octobre jusqu'au 5 novembre, les vacances ensorcelantes. Merci beaucoup Florence Coutier d'être passée cet après-midi. Merci à vous. Pour nous parler de ce travail de préservation au musée des Maisons Comtoises. Vous retrouvez évidemment toutes les infos, les horaires, les renseignements sur le site maison-comtoise.org. À très bientôt Florence. Le 16-19, ça continue après les infos de 17h et après Christophe Willem. Parti cœur au bois dormant, le sourire entre les dents, mon silence radio, souvenir fluo. Que reste-t-il maintenant? Kimono et bras ballants. Seulement quelques mots à te dire tout haut. Je tourne en rond sans toi. J'oublie mon rôle sans toi. Et je ferme les yeux autant que possible pour te revoir auprès de moi. Parti cheveux en bataille. Faut voir comment je déraille. Comment je perds mon sang, froid en un instant. Tire autour de mes failles, comme une ceinture de samouraï. et moi qui cède sûrement à l'appel du vent. Christophe Willem avec Je tourne en rond sur France Bleu Besançon. France Bleu Besançon, France Bleu Besançon, le coup de cœur. 100 artistes, plus de 300 œuvres, c'est ce qui vous attend au Grand Cursaal de Besançon ce week-end à l'occasion de la 31e exposition de peinture et de sculpture. Un événement à faire en famille avec samedi un après-midi de concours de copistes interprètes qui travailleront en direct devant vous. Et puis dimanche après-midi, l'atelier des enfants, un moment pour leur permettre d'exprimer tout leur talent. Rendez-vous donc au Grand Cursaal ce samedi, ce dimanche, pour la 31e exposition de peinture et de sculpture, une exposition soutenue par France Bleu Besançon. Après les infos de 17h, on file à la Saline Royale d'Arquesnan pour vous parler de cette grande foire aux plantes qui va se tenir. Il sera question de jardinage, mais il y a aussi plein d'activités à faire en famille. On se retrouve après Phil Collins, In the Air Tonight. Bel après-midi. In the Air Tonight sur France Bleu Besançon. Bienvenue chez Écoutez Voir. Et là, vous entendez mieux? Comme quoi, le plus gros effort pour bien entendre, c'est encore de pousser la porte. Et oui, chez Écoutez Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Besançon. Bon après-midi avec France Bleu, première radio en Franche-Comté, 17h. Le flash, Christophe, mais bonsoir, on commence par la météo. Oui, quelques gouttes sont déjà tombées, mais la pluie devrait s'intensifier et se généraliser en cette fin de journée, selon Météo France. Demain, un ciel changeant avec des averses plus ou moins marquées. Ouais, au fur et à mesure de la journée, on n'aura pas le même débit de pluie sur les routes ce soir. Eh bien, les principales difficultés, elles sont au niveau de la rue de Vesoul à Besançon. Que vous rentriez ou que vous sortiez de Besançon, c'est compliqué au niveau du rond-point. Je vous en dis plus juste après ce journal. Près d'un demi-million d'euros, c'est le montant astronomique des détournements de fonds chez Emmaüs à Ornans. Mais le coupable a été condamné hier à 1 an de prison ferme et 2 ans de prison avec sursis. Ce n'est autre que l'ancien président de l'association. Il a été jugé après 48 heures de garde à vue, reconnu coupable d'abus de confiance aggravé. Il a détourné en tout 460 000 euros entre 2020 et 2023 pendant la durée de son mandat de président. De l'argent qui lui permettait de mener la grande vie, voyage, montre de luxe, meubles de prix. L'homme n'a fait aucune difficulté à reconnaître les faits. Il devra tout rembourser. Israël va autoriser l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis l'Égypte, alors que le territoire est assiégé et pilonné sans relâche depuis l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre. Entre 200 et 500 personnes sont mortes hier soir dans un hôpital de la ville de Gaza touché par un projectile. Une frappe dont Israël et les Palestiniens continuent à s'accuser mutuellement. Selon un dernier bilan donné cet après-midi par Elisabeth Borne, 24 Français ont été tués, 7 sont toujours portés disparus et plusieurs probablement retenus en otage dans la bande de Gaza par le Hamas depuis le début des hostilités. La première ministre qui précise que 3500 Français ont été rapatriés d'Israël. Et puis 11 aéroports ont dû être évacués aujourd'hui en France après des menaces d'attentats, ce qui a provoqué d'importantes perturbations. Une vingtaine d'enseignants et d'assistants d'éducation du lycée Julag, site Marceau à Besançon, continuent à exercer leur droit de retrait. Un mouvement entamé lundi, ils refusent de reprendre le travail et demandent une entrevue au rectorat face à ce qu'ils considèrent comme un danger grave et imminent. Le site Marceau de Julag, c'est l'ancien lycée Monjou, dont les accès ne sont pas sécurisés. On y entre comme dans un moulin, dénonce l'intersyndicale, 5 jours après l'attentat terroriste qui a coûté la vie à un enseignant dans un collège lycée d'Arras. Il reste 10 clubs franc-comtois en lice en Coupe de France de football. Ils connaîtront leur adversaire pour le 6e et dernier tour régional ce soir après le tirage au sort à Salins-les-Bains. Le gros morceau encore en compétition, c'est le FC Sochaux et en bas de tableau, 2 clubs jurassiens, Rochefort et Coteau-de-Seille qui évoluent en régional 3, le 8e échelon du foot français. Circulation un peu difficile par endroit ce soir, Arnaud Frage. Ouais, avec notamment cet accident qui vient de se produire entre Morteau et Villers-le-Lac. C'est Alain qui nous a appelé au 0380 833 111. On circule sur les deux fils, mais c'est très dangereux sur place. Les secours ne sont pas encore arrivés sur place, à part les pompiers qui sécurisent le secteur. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Mais voilà, je vous le rappelle, donc cet accident sur la départementale 461 entre Villers-le-Lac et Morteau. Vous nous tenez au courant au 0380 833 111. Les conditions de circulation sont par ailleurs habituelles pour cette heure-ci avec le secteur de la rue de Vesoul où c'est compliqué à Besançon, le pont de Brugy, la voie des Mercureaux, et puis à Vesoul c'est principalement au niveau de l'usine Stellantis dans les deux sens que ça coince à cette heure-ci. Sur le front de la météo, et bien c'est une fin de semaine agitée dans le ciel de Franche-Comté avec un ciel qui, vous l'avez constaté, s'est couvert, le vent se lève, vent en rafale jusqu'à 60 km/h ce soir et cette nuit. Et une pluie qui s'intensifie. Côté température, eh bien, il fait actuellement 15 degrés à Vesoul, 17 à Pontarlier, 18 à Grès, 20 degrés à Besançon. Le temps devrait se calmer dans le courant de la nuit. Et puis dès demain matin, eh bien, grosses averses dès le matin. Météo France nous avertit même d'un risque d'orage possible dans l'après-midi, avec des coups de tonnerre localement forts, principalement dans le Jura et dans le département du Doubs. La Haute-Saône devrait être un petit peu plus épargnée. Côté température, 9 à 14 degrés le matin, 18 à 19 au meilleur de l'après-midi. La météo 100% locale avec Badoz. Savourez les cancoyottes de la fromagerie Badoz sans conservateur et dans leur peau en carton recyclable. À tout à l'heure, Christophe May, 18h. À tout à l'heure. Le 16-19 France Bleu Besançon, Arnaud Fromage. Bel après-midi avec France Bleu Besançon. C'est le 16-19 qui continue. On reste ensemble jusqu'à 19h, comme son nom l'indique, parce que c'est bien fait, cette affaire. Et avec au programme de la prochaine demi-heure, eh bien, Julie Langlois qui part dans les rues vous demander ce que vous faites dans la vie. Et elle repart toujours avec des témoignages intéressants, des parcours pas banals. Aujourd'hui, elle a rencontré un réalisateur. Comment est-ce qu'on devient réalisateur pour le cinéma, pour la télévision? Réponse dans les jobs Made in Franche-Comté tout à l'heure à 17h20. Le collector du jour est pour un morceau légendaire, Pour que tu m'aimes encore, Céline Dion, Jean-Jacques Goldman à la baguette, Le Collector de Nicolas Lespaul. C'est juste après notre sortie en Franche-Comté. On file à la foire aux plantes qui va avoir lieu à la Saline Royale d'Arc-et-Senon ce week-end. Ce sera juste après Alain Souchon et la balade de Jim, et surtout juste après Isabelle qui nous appelle sur la route en direction de Mèche. Bonsoir Isabelle, qu'est-ce qui se passe sur place? Oui, bonsoir. C'était pour prévenir qu'il y avait un accident à la sortie de Charquemont direction Mèche. D'accord. Pour l'instant, il y a les secours sont sur place ou pas? Oui, les secours sont sur place. Il y a l'hélicoptère. D'accord. Il y a juste une route qui est possible. Hein, une circulation alternée, quoi. Ok. Oui, donc s'il y a l'hélicoptère, c'est que c'est un gros carton, j'imagine. Oui, ben j'ai pas trop fait attention parce que j'allais trop doucement. Je me doute. Donc ouais, prudence à la sortie donc de Charquemont direction Mèche. Accident, on ne circule que sur une voie. Merci beaucoup Isabelle, bonne route à vous. Merci, bonne soirée. Et bonne soirée. 0380 833 111, hein, on fait la route ensemble sur France Bleu Besançon. Reste vigilant, d'autant que la météo est mauvaise ce soir. Alain Souchon donc avec la balade de Jim, et on file à la Saline Royale d'Arc-et-Senon retrouver Claire Grosjean qui chapeaute cette foire aux plantes qui va avoir lieu ce week-end en partenariat avec France Bleu Besançon. Ce sera juste après. Jimmy, t'es fort, mais tu pleures. Avec la balade de Jim à l'instant sur France Bleu Besançon. C'est le 16-19 et France Bleu Besançon est partenaire de la foire aux plantes qui va avoir lieu ce week-end à la Saline Royale d'Arquesnans. Sur place, on retrouve Claire Grosjean. Bonsoir. C'est vous qui chapeautez cette foire aux plantes. On connaît l'attachement de la Saline Royale avec le Festival des Jardins, aux jardins, au jardinage et aux jardiniers. Pourquoi avoir choisi d'organiser cette grande foire aux plantes à la mi-octobre? Comme chaque année, en fait, on l'organise à la mi-octobre, à la fin du Festival des Jardins. Les jardins sont construits au mois de juin et puis qui se terminent au mois d'octobre. Donc, c'est pour fêter un peu cette clôture du festival. Donc, comme chaque week-end, au mois d'octobre. C'est l'occasion de rencontrer les jardiniers de la Saline, mais surtout d'aller rencontrer les pépiniéristes, les spécialistes qui vont venir à la Saline Royale pour donner des petits conseils. Et puis, on peut aussi acheter des plantes. Oui, c'est ça. Cette année, on aura 80 exposants, donc des pépiniéristes qui proposeront à la vente des rosiers, des bulbes, des arbres, des arbustes. On a même des plantes vignes. Et puis, il y a également des producteurs locaux pour acheter son miel, ses jus de fruits, safran, confiture. Et puis, des artisans autour de la décoration de jardin, notamment. Il y a donc les producteurs, les artisans qui seront là. Et puis, pas mal d'animations aussi qui sont organisées tout au long du week-end. Notamment un atelier plantothèque. C'est quoi une plantothèque? C'est ça. Alors, une plantothèque, c'est la fabrication d'un petit pot à partir de matériaux de récupération et de boutures. Donc, c'est une association byzantine qui sera présente, elle, le samedi après-midi pour proposer ça aux familles. Ça veut dire qu'on va pouvoir repartir avec notre petite plante en pot Oui, c'est ça. C'est chouette. On va pouvoir participer aussi à un collage végétal. Là, c'est dans le cadre de l'exposition sur le monde de Folon. Hein. Oui, l'exposition temporaire qui est présentée à la Saline. Et c'est une animation qui a été créée, qui sera animée par notre médiatrice environnement de la Saline. Donc c'est une animation pour les petits et pour les grands, donc à retrouver le samedi et le dimanche de 10h à 18h. Il y aura également un pressoir de pommes qui sera présent sur place. On pourra découvrir l'art de la ferronnerie, de la vannerie sauvage. Mais vous le savez, ce qui va cartonner auprès des petits, c'est les balades en calèche, c'est les balades à poney. C'est ça, donc les balades en calèche avec des chevaux comtois. Sur le samedi et le dimanche l'après-midi, et puis des balades en poney le dimanche après-midi pour accompagner ses enfants dans les jardins de la Saline avec des poneys. Voilà, ça doit être absolument extraordinaire d'aller faire du poney, d'aller se balader en calèche à l'intérieur de la Saline Royale d'Arquesnans. Et tout ça, c'est possible grâce à la foire aux plantes qui va se tenir ce week-end, donc samedi, dimanche. Merci beaucoup, Claire Grosjean. Merci à vous. Bonne fin de journée à vous aussi. Vous retrouvez toutes les infos, évidemment, tous les renseignements, tous les détails sur le site salineroyaltoutattaché.com. À suivre, le collecteur de Nicolas Lespaul, Céline Dion est à l'honneur. France Bleu Besançon et vous. Oui, un petit bonjour du Pays Basque. Tous les jours en connexion. C'est ça. C'est la Haute-Saône, hein, me semble-t-il. La Haute-Saône, oui. Mm-hmm. Du côté de Villers-Rectel, oui. Voilà. Mm-hmm. On vous garde quand même. Je vous cache pas que je suis ridicule dans les rues de Pontarlier aujourd'hui, mais j'assume. France Bleu Besançon. À Fournet-Luisant, tout le monde est sympa. Ici, on parle d'ici. France Inter présente « Quels parents sommes-nous ? L'éducation positive en question ». Une conférence interactive animée par Ali Rebbi. Quels outils favorisent une communication efficace parents-enfants et que vaut aujourd'hui l'éducation positive à l'épreuve de la vie quotidienne ? Rendez-vous demain à 20h avec les invités, pédiatres, psychologues et chercheurs pour parler parentalité et proposer des solutions pour les parents et les enfants. Une soirée unique à la Maison de la Radio et de la Musique à vivre en direct en ligne. Informations et réservations sur franceinter.fr. Avec la MAE, le spécialiste de la protection de l'enfant et de la famille, numéro 1 de l'assurance scolaire. Le 16-19 France Bleu Besançon, Arnaud Fromage.

Avouez, vous avez fait comme nous, vous avez chanté. Pour que tu m'aimes encore, le collector du jour de Nicolas Lespaul, la chanson de Céline Dion, écrite par Jean-Jacques Goldman. Vous retrouvez évidemment tous les numéros de collector sur notre site francebleu.fr. Besançon, les jobs, Made in Franche-Comté avec Julie Langlois qui nous emmène au travers d'un témoignage de nos franc-comtois sur la route de leur métier. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? Encore une rencontre pas banale aujourd'hui, Julie Langlois. Bonjour, Julie Langlois pour France Bleu Besançon. Comment vous appelez-vous? Vincent. Quel est votre métier, Vincent? Je suis réalisateur. J'avais le statut d'intermittent du spectacle pendant une vingtaine d'années. Et puis maintenant, j'ai créé une société de production qui est Grande Rue à Besançon. On sait tous ce que c'est qu'un réalisateur, mais on ne connaît pas les dessous du métier. Est-ce que vous pourriez nous en parler? En quelques mots, c'est pas facile. En fait, c'est des projets en général assez courts, parce que je fais de la réalisation de documentaires ou de clips ou de publicités. Donc c'est... En général, c'est des projets qui durent, on va dire, de quelques jours à plusieurs mois. Et puis après, ça dépend des projets, ça dépend des clients, ça dépend de pas mal de choses. Concrètement, le client justement vient avec vous avec peut-être un scénario, j'ai envie de dire. Et vous êtes chargé de faire toute la mise en scène, de recrutement, tout ça ou pas du tout? Alors oui, en général, ils n'ont pas vraiment de scénario. C'est plutôt à nous de... Eux, ils ont un projet, ils ont un besoin de communiquer sur un événement, sur un produit, sur une activité, enfin peu importe. Et après, justement, c'est là que commence le travail, c'est d'essayer de réfléchir avec eux qu'est-ce qui pourrait être le plus pertinent. Je veux dire, autant dans la durée, dans la forme que ça peut avoir. Et puis, quelle est la cible, en fait, à qui on s'adresse en faisant un film? Et c'est vous qui êtes derrière la caméra ou pas du tout? Alors, ça dépend des projets, ça dépend des budgets aussi. En fait, on va dire, pour les budgets les plus simples, on tourne, on fait le montage. Ça peut être la même personne qui fait tout. Et puis, sur certains événements sur lesquels je travaille, on est 50. Donc, à partir de là, chacun a un poste très défini. Et à ce moment-là, oui, je touche pas la caméra, je fais pas le montage. C'est plutôt le suivi du projet dans sa globalité. C'est-à-dire les rendez-vous dès le début avec les clients. Les préparations avant le tournage. Enfin, c'est un projet de plusieurs semaines. Merci beaucoup, Vincent. Et merci à vous, Julie Langlois. La réalisation, ça vous intéresse? Tant mieux, parce que la Franche-Comté regorge de formations. Vous pouvez par exemple vous orienter vers un BTS métier de l'audiovisuel, option métier du son, métier de l'image au lycée polyvalent Germaine Tillon à Montbéliard. On continue à passer cet après-midi ensemble sur France Bleu Besançon après Michel Sardou. La Java de Broadway, ça va danser sur France Bleu Besançon. Bel après-midi.

déplacements un petit peu plus habituels. À Besançon, ça se passe sur la rue de Vesoul. C'est là où c'est vraiment très compliqué ce soir lorsque vous voulez rejoindre la Nationale 57 en direction d'École Valentin. À Vesoul, eh bien, c'est le secteur en direction de Noidan. Au niveau de l'usine Stellantis, là où ça coince. Et puis le contournement nord de Vesoul par la Nationale 19. Et le ralentissement, le bouchon même à la Cluse et Mijoux. On est sur un bon quart d'heure de ralentissement en direction de Pontarlier lorsque vous revenez de la Suisse. L'infotrafic 100% local avec Riem Boisson, limonade mortuassienne et sirop artisanal depuis 100 ans en Franche-Comté. 17h31. Le 16-19 France Bleu Besançon, Arnaud Fromage. Catherine Ringer sera de passage à Besançon. Ce sera le 30 novembre prochain au Théâtre Ledoux pour son spectacle « L'érotisme de vivre ». Oui, mais c'est aussi son anniversaire aujourd'hui à Catherine Ringer. Et ça se fête avec Émilie Mazoyer dans la chronique « Décibel » qui reviendra aussi sur le retour sur scène du conte musical « Le soldat rose » de Mathieu Chédid. Tout ce que vous avez manqué de l'actu musical, c'est dans Décibel chaque soir avant 18h. D'ici là, le coup de cœur de nos libraires franc-comtois. On file à Belfort aujourd'hui, retrouver Caroline de la Marmite à Meaux pour un livre jeunesse. Eh ben oui, on est mercredi avec Marie-Ange Spinelli. Et ce qui est sympa, c'est qu'on vous l'offre juste après ce livre. Restez avec nous. Bel après-midi à l'écoute de France Bleu Besançon. Voici Cats on Trees. Whatever way the same, nothing according to plan. If I could just see. Every day, the sirens calling away. This means so much more. The floating boat is carrying me, and I can give my story differently. The greedy siren chewing

Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux. Est-ce que tu penses que c'est mieux? Mieux comme ça. Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort? C'est mort, est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux, est-ce que tu penses que c'est mieux, mieux comme ça? Stéphane et Petit K, mieux comme ça sur France Bleu Besançon. On joue ensemble pour tenter de remporter, de vous faire gagner le coup de cœur de notre libraire Caroline de la Marmite à Meaux à Belfort. Coup de cœur qu'elle a eu pour le roman jeunesse, pour le livre jeunesse. Azel, la petite sorcière, une année dans la forêt, 4 contes parus aux éditions des éléphants. Pour cela, il fallait répondre à cette question. Comment s'appelle l'école des sorciers d'Harry Potter? Est-ce que c'est Poudlard ou est-ce que c'est Fulham? Question extrêmement difficile. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Arnaud. Comment va la vie à la planée? Eh ben, très bien. Je me posais une question, parce que vous n'êtes pas très loin du lac Saint-Point. Est-ce qu'on se lasse du lac Saint-Point ou est-ce qu'on y retourne quand même tout le temps parce que c'est quand même magnifique comme endroit? Ah ben, c'est magnifique, surtout à cette saison-là, avec les feuilles, avec l'automne. Enfin, je crois que toutes les saisons, c'est beau le lac Saint-Point. Mais c'est ça, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est un des plus beaux endroits du monde. Ah oui. Ben voilà. Non, mais ça me rassure parce que même quand on y habite, on se lasse pas, c'est ça qui est bien. Non, on ne se lasse pas. Bon, parfait. Notre école des sorciers dans Harry Potter, vous vous souvenez de son nom? Eh ben, Poudlard. Êtes-vous sûr? Ah oui. Ouais, vous avez raison d'être sûr. C'est la bonne réponse. C'est bien Poudlard, l'école des sorciers de Harry Potter, et ça vous permet de remporter Azel, la petite sorcière, une année dans la forêt, le coup de cœur de notre libraire du jour. Ce sera pour qui? Eh ben, j'ai 4 petits-enfants, bientôt 5, donc voilà, ça sera l'occasion de le lire avec eux. Nickel. Et vu l'enthousiasme de la libraire, on ne pouvait qu'avoir envie de jouer. Ah, mais c'est terrible. Tous les jours, on a envie d'avoir le livre. C'est effrayant. Non, c'est très bien. Ils en parlent super bien, ouais, c'est génial, effectivement, c'est parfait. Bon, ben, on est ravis de faire plaisir. Ça fera des petites soirées lecture avec les petits-enfants. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Isabelle, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Tout ce qui se passe ici, en Franche-Comté, c'est sur France Bleu Besançon. On est parti de zéro, puis tant que ça marche, ben on continue. Du lundi au vendredi, juste avant 7h, 8h et 9h, notre équipe part à la recherche des fiertés locales. Donne toujours un coup de main. Bon plan, associations qui rendent la vie meilleure au quotidien. Je sais qu'ils font des miracles avec les jeunes et les moins jeunes du club. C'est important de les mettre en avant aussi. Les belles actions dans le Doubs et la Haute-Saône, c'est tous les matins sur France Bleu Besançon. Le 16-19 France Bleu Besançon, Arnaud Fromage. Le 16-19 de France Bleu Besançon continue dans un instant. On va retrouver Isabelle. Bonjour, on va retrouver Émilie Mazoulier pour Décibel, la chronique, avec plein de surprises musicales. Mais en ce moment, on est en pleine période de Coupe du Monde, de rugby. Si ça vous a plu, si ça vous a tenté, pourquoi pas de vous mettre au rugby, et bien sachez que ce samedi, il y aura le premier tournoi de touch rugby à Besançon. Le touch rugby, c'est comme le rugby normal, sauf qu'on ne se plaque pas. Donc on se fait beaucoup moins mal, c'est beaucoup moins dangereux, beaucoup moins impressionnant, mais beaucoup plus sécurisant aussi. Si vous voulez essayer, rendez-vous ce week-end pour le premier tournoi qui aura lieu à Besançon. On se retrouve après Gilberto Gil, les Panko. Minha alma cheira talco como bumbum de bebê. Minha aura clara, só quem é clarividente pode ver. Pode ver. Trago a minha banda, só quem sabe onde é Luanda saberá lhe dar valor. Dá valor. Vale quanto pesa pra quem preza o louco bumbum do tambor. Pra outro lugar,

Bon début de soirée avec France Bleu, première radio en Franche-Comté, il est 18h. N'hésitez pas à nous tenir au courant. On avait deux accidents en cours il y a une heure. Le premier entre Morteau et Villers-le-Lac. Le second à la sortie de Charquemont en direction de Mèche. N'hésitez pas à nous dire si la voie est dégagée, si ça circule à nouveau de manière tout à fait fluide dans le secteur. La météo, Christophe May. Alors, on a déjà eu des averses cet après-midi. La pluie va s'installer sur la Franche-Comté en cette fin de journée, début de soirée. Attention aussi au vent, jusqu'à 60 km/h par endroit. Demain, un ciel changeant avec des averses plus ou moins marquées selon la période. L'ancien président d'Emmaüs à Ornon, condamné à un an de prison ferme, il s'était très largement servi dans les caisses de l'association pour mener la grande vie. Oui, on savait que l'association avait été victime de détournement de fonds, mais on ignorait l'ampleur de ces malversations. Elles ont été révélées hier lors de la comparution de l'ancien président devant la justice à Besançon. De 2020 à 2023, il a profité de sa position pour détourner une somme énorme, 460 000 euros. Le tribunal l'a condamné à un an de prison ferme et 2 ans avec sursis. Personne n'avait rien remarqué jusqu'à ces derniers mois. L'homme a effectué 300 virements en 3 ans depuis les fonds d'Emmaüs jusqu'à un compte qu'il avait ouvert en Allemagne. Et cet argent lui a servi à financer un train de vie luxueux que nous détaille Étienne Manteau, le procureur de la République de Besançon. Des voyages à l'étranger, un voyage au mois d'août aux États-Unis avec des chambres très onéreuses à Las Vegas. Et puis, de très nombreux biens matériels ont été saisis, des montres, des bijoux, des vêtements, des chaussures de luxe, des valises, des chaises, des canapés, de l'électroménager, des iPhones, des iPads. Autant d'objets dont il a été démontré qu'ils ont été acquis depuis 2020 avec les fonds de l'association. Et ce qui est d'ailleurs éloquent, c'est que le 13 septembre 2023, il est démis de ses fonctions. 13 septembre 2023, il y a encore un virement qui est fait en direction de son compte en Allemagne. Jusqu'au bout du bout, il a prélevé des fonds au préjuge de l'association Emmaüs Ornon. Un nouveau président et une nouvelle équipe ont été élus lundi à la tête d'Emmaüs Ornon avec l'ambition de redresser les comptes et d'aller de l'avant. Une partie des biens saisis lors de l'enquête sera d'ailleurs rétrocédée à l'association qui pourra les mettre en vente. Avec le retour de la pluie, des accidents cet après-midi sur des chaussées mouillées à Charquemont vers 16h10. Une conductrice est allée percuter un arbre à forte vitesse. Elle était seule à bord, gravement blessée. Cette femme de 45 ans a été transportée par hélicoptère au CHU de Besançon. Et puis à Morteau, la chaussée mouillée à l'origine d'une perte de contrôle vers 16h25. Une voiture est sortie de la route pour aller percuter un véhicule qui arrivait en face. Il y a un blessé léger. À Molay, en Haute-Saône, l'agriculteur dont le tracteur s'est renversé hier avec sa cargaison de lisier a passé toute la journée d'aujourd'hui à pomper la rivière en contrebas pour tenter de récupérer le plus possible des 20 tonnes de purin qui s'y sont déversées malgré le barrage de bottes de paille mis en place. D'après le maire de la commune, 10 000 litres de lisier se sont répandus dans la nature. Il s'inquiète pour les poissons et a demandé à la société de pêche locale un état des lieux. En fonction du résultat, il n'exclut pas de porter plainte pour pollution accidentelle. France Bleu Besançon, 18h03, Israël va autoriser l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis l'Égypte. Depuis plusieurs jours, des camions remplis de médicaments et de vivres attendent du côté égyptien de pouvoir franchir le poste frontière de Rafah, le seul à ne pas être contrôlé par Israël, alors que la bande de Gaza est assiégée et pilonnée sans relâche depuis l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre. Selon un dernier bilan donné cet après-midi par Elisabeth Borne, 24 Français ont été tués depuis le début de ce conflit, 7 sont toujours portés disparus et plusieurs sont probablement retenus en otage dans la bande de Gaza par le Hamas. La première ministre qui précise que 3500 Français ont été rapatriés d'Israël. Et puis 11 aéroports ainsi que le château de Versailles ont dû être évacués aujourd'hui en France après des alertes à la bombe, des menaces d'attentats, ce qui a provoqué d'importantes perturbations. Une vingtaine d'enseignants et d'assistants d'éducation du lycée Jules Lague sur le site Marceau à Besançon continuent à exercer leur droit de retrait, un mouvement entamé lundi et qui a donc été poursuivi aujourd'hui. Ils refusent de reprendre le travail et demandent une entrevue au rectorat face à ce qu'ils considèrent comme un danger grave et imminent. Le site Marceau de Jules Lague, c'est l'ancien lycée Monjou dont les accès ne sont pas sécurisés. On y entre comme dans un moulin, dénonce l'intersyndicale 5 jours après l'attentat terroriste qui a coûté la vie à un enseignant dans un collège-lycée d'Arras. En football, il reste 10 clubs franc-comtois en lice en Coupe de France et le tirage au sort du 6e et dernier tour régional débute en ce moment à Salins-les-Bains. Ils vont donc connaître leur adversaire. Le plus gros club encore en compétition, c'est bien sûr le FC Sochaux, hein, côté régional. Et puis en bas de tableau, on trouve deux petits poussets jurassiens, Rochefort et Coteau de Seille, qui jouent en Régional 3. C'est le 8e échelon du foot français. Et on donnera bien sûr le résultat de ce tirage au sort dans nos éditions de demain matin. J'y compte bien. Faut savoir, moi, qui va se retrouver face au FC Sochaux. La météo, Arnaud Fromage. Eh bien, du vent, de la pluie, c'est fini l'été indien. Là, ça va souffler jusqu'à 60 km par heure cette nuit, ce soir. La pluie va s'intensifier encore un peu. Côté température, c'est de saison, ma foi, avec 12 degrés actuellement à Vesoul. Il fait 15 degrés à Pontarlier, 17 degrés à Besançon, 18 degrés à Dole actuellement. Demain, le temps devrait continuer à être bien humide. On attend même des coups de tonnerre qui seront possibles demain après-midi, principalement sur le Jura et sur le Doubs. Ça devrait être un petit peu plus calme en Haute-Saône. Les deux départements, d'ailleurs, Jura et Doubs, sont placés en vigilance jaune à partir de 9h demain matin. Côté température, ça nous donne 9 à 14 degrés le matin, compté jusqu'à 18, voire 19 degrés demain après-midi sous les coups de tonnerre. La météo 100% locale avec Badoz, fromage et cocoyotte de Franche-Comté, à découvrir sur fromagerie-badoz.com et sur les réseaux sociaux. Et merci beaucoup Christophe May pour ces infos. Mais je vous en prie. Et à votre place à 19h, ce sera Marine Logeny. Absolument. Bonne soirée. Le 16-19 France Bleu Besançon, Arnaud Fromage. Merci d'être fidèle au 16-19 de France Bleu Besançon. Vous le savez, on vous raccompagne à la maison et puis on rigole bien ensemble, notamment avec notre grand jeu du bûcheron comtois. Le bûcheron comtois qui va encore avoir pas mal de boulot là, hein, parce que avec la tempête qui approche, il va y avoir des clairières à élaguer. Voilà. Sauf qu'en attendant, eh bien notre bûcheron comtois, il continue à écouter de la musique et aujourd'hui, il avait des rêves de Belgique, voyez-vous. Il avait envie d'écouter Angèle, Bruxelles, je t'aime. Il a écouté, il a raté des mots. C'est à vous de retrouver les mots qui manquent. Ce sera tout à l'heure à 18h20. On va jouer ensemble pour vous faire remporter un très beau cadeau. Deux places pour aller voir Charlie Winston. Ce sera à la malle de Sochaux. Ce sera même, très bientôt. J'ai pas la date exacte, mais je vous la retrouve. Charlie Winston à la malle de Sochaux, c'est ce que notre bûcheron vous offre tout à l'heure. Révisez bien les paroles de Bruxelles, je t'aime, d'Angèle. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Qu'est-ce qu'on fait dans les prochains jours? Eh bien, on reste à la maison parce qu'il fait frais et on joue au jeu de société. On sera avec Alexandra de la Compagnie du Jeu, l'association qui met en avant le jeu de société à Gré, qui a un super jeu de cartes à nous proposer. Ça s'appelle Trio. On découvre ça juste après Cool and the Gang, Celebration sur France Bleu Besançon. Très bonne soirée à vous. Vous n'hésitez pas à nous appeler évidemment au 03 80 830 311. S'il y a des petits soucis sur la route, on prévient les autres, on fait la route ensemble sur France Bleu. Bonne soirée. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. There's a party going on right here. A dedication to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate and party with you. Come on now. Let's all celebrate and have a good time, yeah, yeah. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? It's a celebration. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. Come on now. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright, baby. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. Celebration sur France Bleu Besançon, voilà qui nous redonne le sourire, tout comme de vous retrouver, Alexandra, bonsoir. Bonsoir. Alexandra de la compagnie du jeu Agré, association qui a organisé il y a peu le festival Saône, et le nom Game m'échappe. Of Saône. Game of Saône, voilà, je savais qu'il y avait un jeu de mots. Game of Saône, une fois par mois, vous venez nous proposer votre sélection jeu de société, un tout nouveau jeu qui vient de sortir, jeu de cartes, ça s'appelle Trio. À quoi ça ressemble et quel est le but du jeu, Alexandra? Alors du coup, en fait, c'est un jeu de cartes assez basique avec des numéros sur un thème donc un petit peu mexicain. Donc on y a beaucoup joué cet été. Le but du jeu, c'est de former des trios de cartes ou le trio de 7, donc du chiffre 7. Mmh. Pour cela, on va donc distribuer les cartes aux personnes qui sont autour de la table. Il y en aura aussi quelques cartes qui sont placées au milieu, tout face cachée. D'accord. On va ranger nos cartes du plus grand au plus petit. C'est très important, ça. Ouais. À son tour de jeu, on aura le droit de retourner deux cartes. Donc, de demander à un adversaire sa plus petite carte ou sa plus grande carte. Et puis éventuellement aussi de retourner une des cartes de la table. Si D'accord. les cartes sont les mêmes, mmh. on a le droit de trouver la troisième carte identique et donc de gagner un trio. Sinon, eh ben c'est au joueur suivant. J'ai l'impression qu'il y a à la fois un peu de jeu de cette famille et un peu de memory. Alors effectivement, il y a de la mémoire et un petit peu de déduction. D'accord. Ce qui est intéressant sur ce type de jeu, c'est qu'en fait, les règles ont l'air de s'apprendre assez facilement, une fois qu'on a pigé. Mais par contre, les possibilités derrière sont assez infinies. Il y a de la stratégie dans ce jeu-là, on peut embêter l'adversaire. Il y a très peu de stratégie, mais par contre, on va, on va pouvoir quand même avoir un minimum de déduction. C'est-à-dire que si on a vu les cartes, enfin certaines cartes des adversaires, on va aussi pouvoir deviner, par exemple, si sa plus petite carte c'est le 6, on sait que chez lui on va pas aller chercher le 3, par exemple. Oui. Enfin, donc il va falloir un petit peu se rappeler de ce qu'on a vu et aussi déduire, ah bah non, je vais pas aller chercher là, puisque ce n'est pas possible. Trio, donc le choix de la compagnie du jeu Agré. Vous y avez beaucoup joué, vous, avec les copains de l'association ? Ah oui, on y a beaucoup joué cet été. Oui. Et voilà, donc c'est le conseil du soir. Merci beaucoup, Alexandra. À bientôt. Merci à vous. Bonne soirée. De la compagnie du jeu, donc Agré. À suivre, eh bien, ce sera le bûcheron comtois. On va jouer ensemble dans les prochaines minutes. Ce sera après Joseph Kamel, celui qui part sur France Bleu Besançon. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais qu'il n'y a pas plus beau qu'un dernier au revoir. Et même si on le pensait vraiment, j'attendrai ton retour pour longtemps. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais que c'est pas la faute de celui qui part, mais de celui qui bêtement l'attend, sans comprendre qu'il va devoir vivre sans. Je serai partout où tu veux, si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé rien, je veux le voir avec toi. Je serai partout où tu veux. Je dirais merci à l'autre pour ce que j'ai pu croire. Et partout l'emmènera le vent, je serai un peu là en même temps. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais que c'est pas la faute de celui qui part, mais de celui qui bêtement l'attend, sans comprendre qu'il va devoir vivre sans. Je serai partout où tu veux. Mais tu cherches un endroit, je le garderai là pour toi. Je serai partout où tu veux. Je serai partout où tu veux. Si tu veux bien de moi. Si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé mieux. Et si t'as trouvé mieux. Je veux le voir avec toi. Je veux le voir. Je serai partout où tu veux. Si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé mieux. Je veux le voir. Je dirais qu'il n'y a pas plus beau qu'un dernier au revoir. Joseph Kamel, celui qui part, et voici une chose faite. Pendant les deux semaines de ses prochaines vacances. Allô ? Et c'est gagné ! France Bleu Besançon fait Halloween en jouant à Halloween. Tous les jours de toutes les vacances, on vous appelle à tout moment, vous décrochez, on dit allô, et si vous répondez win, c'est gagné ! Vos invitations à tous les événements Halloween de Franche-Comté, site ou spectacle. Alors, pour avoir une chance d'être appelé, inscrivez-vous dès maintenant au standard France Bleu Besançon, 03 81 833 111. Allô ? Allô ? Non mais allô quoi ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Inscrivez-vous maintenant et peut-être à très vite. Le 16-19 France Bleu Besançon, Arnaud Fromage. Le bon plan là qui vient de descendre en studio, les bons plans c'est toujours Romain Parot qui nous les amène. On parlait de jeux société il y a un instant. Ce week-end il y a le festival. Quand est-ce qu'on s'arrête ? Ça sera à Pouillé-les-Vignes à la salle des fêtes pendant deux jours. Des lots à gagner, des jeux de société à faire avec une petite buvette sur place. L'ambiance est super sympa, c'est gratuit. Rendez-vous donc à Pouillé-les-Vignes pour comment est-ce qu'on s'arrête ? Festival de jeux de société, de jeux de plateau. Ce sera donc tout ce week-end. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Et on continue en musique avec l'aîné Marlene, Sitting Down Here. I'm